ton amour et ta haine. Viens pleurer si tu veux, je suis là pour t'écouter. Fais-moi toucher du doigt ce que j'ai du mal à lire en toi. C'est bon de t'entendre parler, c'est bon de t'écouter. Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout ce que j'ai raté dans mes désirs ardents d'aller toujours plus haut. Dis-moi, dis-moi, dis-moi qu'il n'y a rien de cassé, mais surtout ne t'en va pas sans dire un mot. Surtout ne me dis pas qu'il n'y a plus rien à faire. T'aide-moi à grandir dans ton pardon et dans ton cœur. Ressème les graines qu'avec des mots j'ai piétinées. Allons marcher ensemble dans la rue tous les deux. Oh dis-moi, dis-moi, dis-moi tout ce que j'ai raté dans mes désirs ardents d'aller toujours plus haut. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qu'il n'y a rien de cassé, mais surtout ne t'en va pas sans dire un mot. Je ne veux plus me tourner vers le passé. Quand les dés sont jetés, vient le temps des remords. Il est triste à penser aux démons qui dévorent, comme un maître à rêver à l'égard de soi-même. Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout ce que j'ai raté dans mes désirs ardents d'aller toujours plus haut. Dis-moi, dis-moi, dis-moi qu'il n'y a rien de cassé, mais surtout ne t'en va pas sans dire un mot. Dis-moi ou ne dis pas ton amour et ta haine. Viens pleurer si tu veux, je suis là pour t'écouter. Fais-moi toucher du doigt ce que j'ai du mal à lire en toi. C'est bon de t'entendre parler, c'est bon de t'écouter. Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout ce que j'ai raté dans mes désirs ardents d'aller toujours plus haut. Dis-moi, dis-moi, dis-moi qu'il n'y a rien de cassé, mais surtout ne t'en va pas sans dire un mot. Dis-moi, dis-moi tout ce que j'ai raté. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, mais surtout, surtout ne t'en va pas sans dire un mot.